L'impuissance de ta vieillesse est ce qui maintient vivant les souvenirs de la solitude que je n'ai jamais connue avec toi. Cependant, ce que je ressens maintenant, je chéris les bons moments que nous avons passés comme s'ils étaient toute ma vie. Ton avouement est devenu ma chanson préférée. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir un sentiment amer quand je pense à ton dernier regard. À ton absence, à ne plus te voir, comme je n'ai rien pour faire pour t'aider.